Chapitre 2e. Le repère des naufrageurs. La nuit était venue. Laissant à gauche la route d'Audierne, Floch enfila un chemin qui longeait la côte et aboutissait à Plegoff en passant par Poulan, Breuse et Goulien. Tout en frappant les cailloux du bout de son penbas, il se tenait ce langage. 1200 réals et ma part des épaves du trois-mâts. Si ce n'est pas le Pérou, c'est du moins une aubaine telle que Notre-Dame de Rumangol seule peut en envoyer un pauvre pêcheur comme moi. Je lui ferai un vœu à la bonne Vierge. C'est Aliette qui sera enchantée quand je lui apprendrai demain. Elle a des idées bizarres, c'est vrai. Des idées comme on en a dans l'île de Saint. Mais un bon sac d'argent pour entrer en ménage vaut bien aussi quelques sacrifices. Il s'agit de prévenir les gens de Plegoff, afin qu'ils m'aident à préparer l'échouage du Norvégien. Ah, pourquoi ne puis-je opérer seul? J'aurai seul le varech du naufrage. Je ne partagerai point les réals, c'est l'important. Les gens de Plegoff n'ont pas besoin d'être instruits de mes arrangements avec Hamon. Mes amis, leur dirai-je, je tiens de renseignements positifs qu'un navire norvégien, je leur dépeindrai le trois-mâts, doit se rendre à Concarneau par le ras de Saint et revenir dans la baie par le même chemin. Ce navire porte de riches valeurs qui seront les vôtres, si vous le voulez. Et je suis certain que 2 heures après, toute la population guettera sa proie dans les creux des rochers, armée de piques et de crocs. Je suis certain que le soir, surtout si le vent souffle en tempête, il y aura des fanaux mouvants sur la crête des falaises. Mais quel intérêt peut pousser Hamon? Je connais mon homme. S'il me propose 1200 réals, c'est que la perte du navire lui en rapportera 100 fois autant. Il s'inquiète bien vraiment si le capitaine est hérétique ou non. Je ne suis pas sa dupe. Et le pilote, pourquoi veut-il sa perte? Il y a là-dessous quelque histoire que j'ignore. Après tout, c'est son affaire. L'histoire que Floch ignorait, et qu'il ne se cassait pas la tête à pénétrer, était simple, voire assez fréquente dans le pays. Hamon avait acheté aux Norvégiens pour 8000 livres de rogues et de goudron, et au lieu de lui payer ses 8000 livres, les avait retenus comme art d'un marché de 12000 livres de sardines, saumurées et en baril, conclu avec le même, et dont celui-ci devait prendre livraison à son retour de Concarneau. Le trois-mâts se perdant corps et bien sur les sables d'Audierne ou sur les rochers du Ras de Saint, et son propriétaire n'ayant encore représentant dans le Finistère, Hamon gardait les 8000 livres et vendait à un autre ses barils de sardines. L'opération était avantageuse, on le voit. L'honnête trafiquant n'en était pas, il est vrai, à son coup d'essai, et les naufrageurs du district lui avaient déjà rendu plusieurs services du genre de celui que Floch venait de lui promettre. Quant au pilote, qui, moyennant 400 livres, devait jeter le navire sur les écueils du Rat et l'y abandonner en se sauvant à la nage, le poissonnier s'était dit au dernier moment qu'il serait préférable qu'il ne reparût pas. Et c'est alors qu'il avait proposé sa suppression à Floch. Ainsi, il se débarrassait d'un complice qui pouvait devenir dangereux par la suite et obtenait pour 50 livres ce qui lui en aurait coûté 400 au cas où ce complice serait tiré les choses propres du drame maritime qui allait s'accomplir. Hamon était un coquin qui entendait ses intérêts. Mais nous le répétons, ces combinaisons préoccupaient médiocrement notre gars. Le temps était clair, la nuit calme. Les falaises rocheuses de Douarnenez dressaient au loin leurs masses sombres échancrées. La mer ondulait mollement dans l'intérieur de la baie et grondait seulement vers le nord, contre le cap de la Chèvre, si dangereux qu'on le nomme vulgairement dans le pays la mort du marin, et vers le sud-ouest, devant l'anse des Trépassés. De rares pêcheurs se disposaient à jeter leurs filets pour les relever à l'aube plein de maquereaux, d'anchois, de sardines, de merlans, de mulets, de soles, de turbots, etc., car les eaux de Douarnenez sont les plus poissonneuses du littoral finistérien. Les vents dormaient, on se fût cru au cœur de l'été. Floch accélérait le pas, tout en renouvelant la fable de Perrette et du Potelet, tout en modifiant 20 fois dans sa tête l'emploi qu'il comptait faire des réals de Hamon. La distance est grande de Douarnenez à Plegoff, 7 lieues environ. Floch n'arriva chez lui qu'à minuit. Il habitait une cabane couverte de chaume, isolée et située à 500 pieds de la côte. Avant de battre le briquet, avant d'ouvrir sa porte, il réfléchit et se remit en marche à travers champs. Il venait d'éprouver le besoin de combiner son plan de naufrage devant les écueils du cap, qu'il connaissait bien pourtant. En quelques enjambées, il gravit un rocher élevé où il s'assit, son bâton entre ses jambes, et d'où il étudia, plus attentivement qu'il ne l'avait fait depuis 15 ans, les dangers du passage du Rat. Ici, qu'on nous permet d'ouvrir une parenthèse pour donner des détails indispensable à l'intelligence de notre récit sur ce passage et sur les mœurs des habitants des côtes voisines. La pointe du Raz borne au nord-ouest l'arrondissement de Quimper. L'île de Sein qui lui fait face n'en est qu'une ramification séparée par un chenal étroit de 36 brasses d'eau dans sa plus grande profondeur. Rien d'imposant comme cet énorme bloc de granit élevé de 200 pieds au-dessus des grosses marées, lorsque la tempête lance contre sa base et dans ses crevasses béantes des flots écumants et furieux. Alors on croirait qu'il va s'engloutir. Il a des trépidations. Ses cavernes ont des mugissements horribles. On se sent pris de vertige devant les vagues tourbillonnantes qui le frappent et le mordent. Dès au fond, des écueils le circonscrivent de Cléden à Audierne. Sentinelle avancée, on dirait qu'il guette les navires égarés pour les précipiter vers les gouffres que la mer a creusés dans son flanc. À sa droite est une anse, appelée la baie des Trépassés, où viennent échouer après l'orage les débris des navires perdus et les cadavres des matelots. Une petite chapelle apparut au fond de cette anse. Quand le grain menace à l'horizon, quand le vent du nord-ouest souffle, on voit dans cette chapelle des femmes de pêcheurs entourées de leurs enfants égrener à genoux leur chapelet devant l'image de la Vierge. C'est que lorsqu'il en fusille dans le Norrois, le marin ne risque pas seulement de perdre sa vie au ras, il risque aussi de perdre son âme. La falaise derrière laquelle se trouve Plogoff a un trou immense dont les parois sont rouges et où tout s'agite pendant les tourmentes. On nomme ce trou l'enfer, et l'on prétend que le diable s'y tient en faction au plus fort des tempêtes pour crocher, au moment de leur mort, les marins naufragés. Cette croyance rappelle la tradition qui plaçait dans ce trou une des bouches du Thénard. Aucun matelot breton ne franchit le Raz sans se signer. « Nul n'a passé le Raz sans mal ou sans frayeur », dit un proverbe de l'arrondissement de Quimper. « Secourez-moi, grand Dieu, dans le passage du Raz, car mon navire est petit et la mer est grande », ajoute une prière des pêcheurs de la baie d'Audierne et des côtes de Douarnenez. Ce coin de terre labouré par les lames, où la nature se montre dans son horreur la plus terrifiante, a enfanté une population sauvage et dangereuse comme lui. Du bec du Raz aux roches de Penmarche, c'est-à-dire de l'une à l'autre extrémité de l'arc que forme la baie d'Audierne, les habitants sont naufrageurs de génération en génération depuis les temps les plus reculés. Aujourd'hui, grâce aux moyens de communication qui ont mis les hameaux jadis les plus isolés en contact avec le centre du pays, grâce aux progrès de la civilisation et aux mesures de sûreté publique en vigueur dans tous les départements, les gens de la pointe du Raz et de la baie d'Audierne ne sont pas plus inhumains que les habitants de Quimper, par exemple. Mais à l'époque où se passe notre histoire, en 1784, il n'en était pas ainsi. On les voyait durant les nuits d'hiver, au milieu des ouragans, attirer les navires désorientés en allumant des feux sur les points les plus périlleux de la côte ou en attachant un fanal sur la tête d'une bâche qu'ils poussaient devant eux. Quand leur machination réussissait, quand un bâtiment trompé par ses signaux perfides s'affalait sur les écueils, ils couraient se blottir entre les rochers, armés de pics, de crocs, de cordes, de gaffes, suivaient d'un œil avide, féroce, les péripéties du sinistre qu'ils avaient amené et se disputaient ces débris avec la fureur des loups s'arrachant un quartier de chair saignante. Si un malheureux, porté par les vagues, approchait du rivage et les suppliait de le sauver, au lieu de le secourir, il l'assommait, puis le dépouillait et cachait son cadavre dans le sable. Il advenait parfois que le gouvernement de Pontcroix, lorsqu'il avait connaissance de naufrages aux alentours du Raz, expédiait à la hâte une trentaine de soldats de la maréchaussée pour empêcher ces atrocités de s'accomplir. Mais cette démonstration armée, loin d'intimider les coupables, ne servait qu'à les exciter davantage. Au premier coup de fusil, il se postait au milieu des rochers, lançait une grêle de galets aux soldats, les mettait souvent en fuite et tuait sans pitié ceux qui tombaient entre leurs mains. Les femmes se distinguaient dans ces combats par une rage, une intrépidité forcenée. Tous d'ailleurs avaient la conviction qu'ils étaient dans leurs droits, non seulement en se partageant les épaves que, suivant eux, le ciel leur envoyait, mais encore en massacrant les naufragés. La morale n'est malheureusement pas une qualité universellement naturelle à l'homme. Les trois quarts du temps, il faut la lui apprendre et faire ensuite de grands efforts pour l'obliger à en observer les prescriptions. On pense différemment à Paris qu'à Tombouctou, et quoique la vertu soit une, mille peuples du globe l'interprètent d'une façon particulière et s'imaginent être vertueux en faisant le contraire de ce cordeau de la vertu. On comprend à présent comment Hamon pouvait commander un naufrage à Flocke et quand celui-ci, assuré de la complicité du pilote, pouvait promettre la perte du Norvégien. Rien, en effet, n'était plus propice au crime maritime que l'industrie séculaire des côtiers de la baie d'Audierne. Aussi les coquins tels que Hamon en usaient-ils et en abusaient-ils dans les districts de Pontcroix, de Quimper et de Châteaulin, sans que l'autorité y pût rien ou y vit rien. Flock demeura pendant une demi-heure les yeux fixés tantôt sur le rat, tantôt sur l'anse des trépassés, tantôt sur les crêtes de la falaise. Au bout de ce temps, il se dirigea lentement vers sa maisonnette en se disant « Avec la vache de Péric, un coup de vent du norrois, l'aide du pilote et la grâce de Dieu, le Norvégien fournira du barek au Jean de Plogoff et 1200 réals à un gars de ma connaissance pour épouser Aliette. » Un instant après, il mangeait un morceau de pain bis avec un morceau de lard et buvait une tasse d'eau assis sur le bord de son grabat. Son soupe est terminée, il souffla sa chandelle et s'endormit rêvant château en Espagne. Il était grand jour lorsqu'il rouvrit les yeux. En un clin d'œil, il fut sur pied et en quête des naufrageurs émérites du village. C'était Goël, Porouet, Marbec, Kéro avec leurs femmes, Péric avec sa vache, sur la tête de laquelle on attachait un fanal la nuit et qu'on promenait au-dessus des récifs, enfin Janik, Gabaric et Guesnar. Cette douzaine d'écumeurs de mer rassemblés autour de lui, Flock raconta qu'il avait vu, la veille, au mouillage de Douarnenez, un riche trois-mâts norvégien qui devait se rendre à Concarneau d'un instant à l'autre et qu'il serait facile de faire échouer. « S'il échappe une fois, ajouta-t-il, nous l'aurons sûrement en retour, car de Concarneau il est revenu à Douarnenez. Mais il vaut mieux qu'il n'aille pas à Concarneau. Notre butin en sera plus riche. » Flock ne parla pas de la complicité du pilote et insista pour qu'en cas de succès, l'équipage entier du navire disparût, afin qu'aucun homme de cet équipage n'eût la fantaisie d'aller se plaindre à Pontcroix ou à Quimper des habitants de Plogoff, ni à la réclamer l'assistance des autorités pour se faire rendre les épaves. Flock exigea, comme promoteur de l'affaire, que personne ne puisse approprier une part des débris plus grosse que la sienne. Ce qui fut accepté, recommanda à tous de veiller sans relâche, comme il allait le faire lui-même, et de placer des vigies sur les points les plus élevés du bec et de la côte, le Norvégien ne devant pas se faire attendre longtemps, et tout le monde devant être prêt au moment critique. Laissant ensuite aux plus habiles le soin de prendre les dernières dispositions et de réunir quelques autres naufrageurs, il descendit sur la plage, mit à l'eau une barque de pêche tirée aux trois quarts sur le sable, enlarga la voile, frappa la mer de ses avirons, et se dirigea vers l'île de Saint en braillant, pour oublier la fatigue de la rame, des chansons de matelots ou de terriens, celles-ci entre autres, sur l'air de style à Capincé Bergobzom. Un capitaine de vaisseau qui s'était embarqué sur l'eau, un jour, fumant à sa fenêtre, vit un homme marin paraître. Il avait le nez, le front grand et tout le reste à l'avenant. Il avait l'air d'une personne, or qu'il était bien plus bel homme. Près du vaisseau, il s'approchait, devinait ce qu'il y voyait, d'une sirène la figure qui était peinte en sculpture. Il la voyait, la regardait, se remuait, se trémoussait, bref, il donnait en témoignage qu'il la voulait en mariage. Mais il survint un matelot qui s'était armé d'un tricot, il voulut en ficha d'une touche, les gens de mer sont bien farouches.